بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد. Donc on commence aujourd'hui le cours 128 dans l'explication du livre de Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah, اقتضاء صراط المستقيم مخالفة أصحاب الجحيم, avec les commentaires de Cheikh Salih al-Fawzan de ce livre-là. Donc on est arrivé à l'endroit maintenant où le cheikh il explique. Donc on continue tout le temps par rapport à l'importance de suivre l'exemple des salafs, hein, et les particularités que les salafs ont par rapport à leur comportement, par rapport à leur intelligence, par rapport à leur aptitude à suivre la religion. On a donné des exemples de ça dans les cours précédents. On continue là-dessus, inshallah. Il dit, Cheikh Ibn Taymiyyah, rahimahullah, وَاللِّسَانُ تُقَارِنُهُ أُمُورٌ أُخْرَى. Donc ici, il va parler du lien entre le langage et beaucoup d'autres aspects. Parce qu'on sait que le langage, il a un effet sur la façon de penser. Et puis, il a un effet aussi sur le comportement, sur l'attitude et sur beaucoup d'autres choses. Il y a des gens, par exemple, actuellement, des linguistes qui parfois essaient de dire que toutes les langues sont équivalentes, puis que tous les niveaux de langue sont aussi valables l'un que l'autre, ou aussi importants l'un que l'autre, et que si quelqu'un, par exemple, parle un langage distingué, c'est aussi c'est pas supérieur ou pas meilleur à celui qui parle un langage de la rue ou des choses comme ça. Et beaucoup d'entre eux, justement, ils encouragent ou ils appellent à ce que les gens utilisent le langage de la rue, et comme c'est pour dire que c'est le langage du peuple et c'est ça qui est meilleur. Yani ala kulli hal, si on regarde tout ça et quand on observe tout ça, on réalise une chose, hein, c'est que, bon, moi, juste par observation comme ça, juste pour regarder, par exemple, le langage qui est parlé dans certains pays et le langage qu'on parle, par exemple, comme on dit, le jargon, hein, ou bien le langage qui est parlé dans la rue par les paysans ou bien par les gens de la ville, les citadins, eh bien, c'est plus par rapport au sujet et au niveau de langage qu'on voit la différence. Parce qu'il y a certains sujets dont on ne peut pas parler de façon aussi claire et éloquente lorsqu'on parle certains langages, justement, par rapport à d'autres. Et je regardais ça justement par rapport au créole, juste comme un exemple. Quand on parle en créole, on peut dire beaucoup de choses et exprimer beaucoup de choses. Par contre, lorsqu'on commence à essayer de parler au sujet de quelque chose un peu plus technique, eh bien là, ça commence à devenir un petit peu plus compliqué, dans le sens qu'on est obligé d'utiliser une autre langue presque pour pouvoir parler de certaines choses. Et c'est surtout lorsqu'on, comme je disais, comme on commence à parler dans des choses un peu plus techniques et dans des domaines un peu plus spécifiques, comme politique, économique, sans parler des autres domaines, hein, informatique ou autres. Donc ça, c'est des exemples. Et même si on parle de religion, tu vois, si on commence à parler de la religion, on commence à être un petit peu limité. Donc il y a des sujets dans lesquels, si on veut s'exprimer de façon plus claire et plus exacte, il faut absolument utiliser un niveau de langage particulier pour être capable de s'exprimer clairement, puis pour mettre nos idées en ordre, hein, pour qu'on puisse être compris de façon plus claire. À la kulli hal, le cheikh explique que la langue arabe, eh bien, justement, elle a cet effet-là sur l'esprit, Et c'est pour dire que chaque langue, elle, elle vient avec sa mentalité, elle vient avec sa personnalité. Et même il y a des gens qui ont témoigné de ça, parce qu'ils ont dit, dans chaque langue qu'on parle, eh bien, on remarque que parfois notre personnalité, même, elle change à chaque fois qu'on change de langue. Donc, même si c'est la même personne qui parle, mais quand elle parle, par exemple, en français, elle a une personnalité. Quand elle parle en anglais, elle a une autre personnalité. Quand elle parle, par exemple, en créole, elle a une autre personnalité. Quand elle parle en arabe, elle a une autre personnalité. Et si elle parle un dialecte, c'est la même chose. Ça change aussi. C'est pas pour dire qu'elle a différentes personnalités. Elle a une seule personnalité. Mais cette personnalité-là, elle s'exprime et elle se modifie d'une certaine façon, ou elle se manifeste d'une façon différente dans chaque langue, parce que chaque langue a quelque chose de différent et de particulier qui vient avec, et même une façon de penser, une mentalité aussi qui vient avec. Et une des choses qu'on remarque aujourd'hui par rapport aux Arabes, c'est que beaucoup d'entre eux sont des Arabes dans le sens qu'ils parlent en arabe, sauf que leur mentalité a été affectée par la mentalité de l'anglais ou du français et des autres civilisations, des autres langues, ce qui fait que c'est des Arabes uniquement en apparence. En réalité, dans leur façon de penser, dans leur façon d'être, même lorsqu'ils parlent arabe, parfois tu vois que c'est la formulation et la construction des mots et des phrases, parfois elle a été tellement influencée par les langues européennes que c'est juste, on dirait, juste des traductions de d'autres langues. Et on voit ça souvent dans les expressions contemporaines en arabe parfois. على كل حال الشيخ الزي واللسان تقارنه أمور أخرى من العلوم والأخلاق فإن العادات لها تأثير عظيم فيما يحبه الله وفيما يكرهه فلهذا أيضا جاءت الشريعة بلزوم عادات السابقين الأولين في أقوالهم وأعمالهم وكراهة الخروج عنها إلى غيرها من غير حاجة فحاصله أن النهي عن التشبه بهم إنما كان يفضي إليه من فوت الفضائل التي جعلها الله لها للسابقين الأولين أو حصول النقائص التي كانت في غيرهم ولهذا لما علم المؤمنون من أبناء فارس وغيرهم هذا الأمر أخذ من وفقه الله منهم نفسه بالاجتهاد في تحقيق المشابهة بالسابقين فصار أولئك من أفضل التابعين لهم بإحسان إلى يوم القيامة وصار كثير منهم أئمة لكثير من غيرهم ولهذا كانوا يفضلون من الفرس من رأوه أقرب إلى متابعة السابقين حتى قال الأصمعي فيما رواه عنه أبو طاهر السلفي في كتاب فضل الفرس عجم أصبهان قريش العجم سبحان الله وروى أيضا السلفي بإسناد معروف عن عبد العزيز بن عبد الله بن أبي سلمة الماجشون عن أسامة بن زيد عن سعيد بن المسيب رحمه الله قال لو أني لم أكن من قريش لأحببت أن أكون من فارس ثم أحببت أن أكون من أصبهان نعم وروي بإسناد آخر عن سعيد بن المسيب قال لولا أني رجل من قريش لتمنيت أن أكون من أهل أصبهان لقول النبي صلى الله عليه وسلم لو كان الدين معلقا بالثريا لتناوله ناس من فارس من أبناء العجم أسعد الناس بها فارس وأصبهان وكان سلمان الفارسي من أهل أصبهان وكذلك عكرمة مولى بن عباس رضي الله عنهما وغيرهما فإن أثار الإسلام كانت بأصبهان أظهر منها بغيرها حتى قال الحافظ عبد القادر الرهاوي ما رأيت بلدا بعد بغداد أكثر حديثا من أصبهان وكان أئمة السنة علما وفقها والعارفون بالحديث وسائر الإسلام المحض فيهم أكثر من غيرهم حتى إنه قيل إن قضاتهم كانوا من فقهاء الحديث مثل صالح بن أحمد بن حنبل ومثل أبي بكر بن أبي عاصم ومن بعدهم وأنا لا أعلم حالهم بآخرة وكذلك كل مكان أو شخص من أهل فارس يمدح المدح الحقيقي إنما يمدح لمشابهته السابقين حتى قد يختلف في فضل شخص على شخص أو قول على قول أو فعل على فعل لأجل اعتقاد كل من المختلفين أن هذا أقرب إلى طريق السابقين الأولين فإن الأمة مجتمعة على هذه القاعدة وهي فضل طريقة العرب السابقين وأن الفاضل من تبعهم وهو المطلوب. Donc ici on va maintenant résumer, traduire et résumer un peu la signification de ce passage-là. Cheikh explique, il dit que la langue, elle est accompagnée de beaucoup d'autres choses. Parmi les différentes sciences et le comportement, il dit que les traditions hein, et les coutumes, elles ont un effet, un grand effet sur ce que Allah subhanahu wa ta'ala aime et ce qu'il déteste aussi. Et c'est pour cette raison-là que c'est pour ça que également la charia est venue avec le fait de s'accrocher aux traditions et aux coutumes des premiers parmi les musulmans, c'est-à-dire nos prédécesseurs, parmi les sahaba, dans leurs paroles et dans leurs actions, et le fait de détester, le fait de sortir de leurs coutumes et leurs traditions vers d'autres, sans qu'il y en ait un besoin. Et il dit ensuite, et pour résumer tout ça, il y a ici l'explication de ça, c'est que il y a dans l'interdiction de ressembler à ceux qui sont en dehors des premiers parmi les musulmans, c'est le fait qu'on nous a interdit de leur ressembler, c'est uniquement à cause de ce qui amène dans ça à perdre une part des mérites et des caractéristiques d'excellence que Allah a mis chez les premiers parmi les croyants, parmi les premiers musulmans. Et également, l'interdiction de leur ressembler, c'est aussi à cause des défauts qui sont présents chez les autres qu'on risque d'adopter. Hein? Et il dit, et lorsqu'on sait que les croyants parmi les Perses, hein, et les autres également ont pris parmi eux, beaucoup d'entre eux ont fait beaucoup d'efforts, hein, et ceux parmi eux que Allah a donné le succès justement de lui permettre de faire des efforts pour concrétiser et réaliser l'imitation et le suivi des premiers parmi les croyants, et bien c'est eux qui sont à cause de ça devenus les meilleurs parmi les tabi'in, hein, parmi les élèves des sahaba, de ceux qui les ont suivis de la meilleure manière jusqu'au jour du jugement dernier. Et il dit que c'est le cas, hein, c'est pour ça que beaucoup d'entre les imams faisaient partie justement de ces gens-là. Hein, beaucoup d'entre les imams de la religion sont des gens de ceux-là et également de d'autres. De d'autres peuples aussi, mais parmi les Perses, il y en a eu beaucoup parmi les imams de la religion, et c'est pour ça que ils préféraient des Perses à cause de ce qu'ils avaient vu en eux, du rapprochement qu'ils avaient vis-à-vis du suivi des premiers croyants, et à un tel point que un d'entre les ulama, Al-Asma'i, il dit, d'après ce qui est rapporté de Abu Tahir al-Silafi dans son livre Fadlul Furs, les mérites des Perses, que les Perses de Asbahan, c'était par rapport au nom arabe, ils étaient comparables à Quraysh, hein, en voulant dire dans la noblesse et dans yani, les manières et les mœurs. Donc, pour dire que c'était le Quraysh, hein, c'était le Quraysh des noms arabes. Ils étaient comme le Quraysh des noms arabes. Donc les noms arabes de Asbahan, ils étaient comparables à Quraysh, hein, chez les noms arabes. Et ça a été rapporté également par As-Silafi avec une chaîne qui est connue. Hein, il rapporte selon Abdelaziz ibn Abdullah ibn Abi Salama al-Majishun et également selon Salama. Donc selon Abdullah ibn Abi Salama al-Majishun, selon Usama, selon Saïd ibn al-Musayyib, rahimahullah, il dit, si je n'avais pas été de Quraysh, j'aurais aimé être des Perses. Puis j'aurais aimé être de Asbahan, de la ville de Asbahan. Et dans une autre narration, il dit, avec une autre chaîne de transmission, selon Saïd ibn al-Musayyib, qui dit, si je n'aurais pas été un homme de Quraysh, j'aurais souhaité être des habitants de Asbahan à cause de la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Si la religion était accrochée à une étoile, hein, à Suraya, eh bien il y a des hommes de Perse qui seraient, hein, parmi les non-arabes, qui seraient partis pour aller jusqu'à cette étoile là pour essayer d'obtenir cette religion. Et il dit, les gens les plus heureux par rapport à ça sont les Perses et les gens de Asbahan. Donc Salman al-Farisi radiyallahu anhu, il faisait partie des habitants de Asbahan lui aussi. Et Ikrima, le servant de Ibn Abbas radiyallahu anhuma, qui était aussi un des ulama, eh bien, Ikrima était lui aussi un Perse, hein, de Asbahan. Et il dit donc que l'impact et l'effet de l'islam dans la ville de Asbahan était plus apparent que dans les autres endroits. À un tel point qu'un des ulama, Al-Hafiz Abdul Qadir al-Rahawi, il dit, je n'ai pas vu un pays après Bagdad où il y a eu plus de hadiths que Asbahan. Il y a beaucoup de ulama justement qui s'appellent Al-Asbahani, hein. Et il dit le cheikh que les imams de la sunna dans la science et dans le fiqh, il y en avait beaucoup dans cette région là et les savants du hadith, hein, les savants du hadith et de l'islam en général étaient nombreux dans cette région là aussi, et même que on a dit à propos des juges qui étaient juges dans cette région là que c'était des savants de hadith, hein, des fuqaha du hadith, comme Salih, le fils de Ahmed ibn Hanbal, et Abu Bakr ibn Abi Asim, hein, et d'autres après eux également. Et il dit je connais pas tout leur état. Il dit وكذلك كل مكان أو شخص, il dit tout endroit ou personne parmi les habitants de la Perse sont glorifiés d'une glorification réelle uniquement à cause de leur ressemblance avec les premiers parmi les croyants. Et il dit, c'est possible que certaines personnes divergent à propos du mérite d'une personne par rapport à une autre, ou d'une parole par rapport à une autre, ou d'une action par rapport à une autre, parce que ces gens-là ont une croyance divergente, ou bien plutôt qu'ils divergent entre eux par rapport à ce qu'ils croient être plus proche de la voie des premiers parmi les croyants, hein, et donc à cause de ça ils divergent entre eux sur quelle parole ou quelle action ou quelle personne est meilleure par rapport à l'autre, parce qu'ils divergent sur ce qui est plus proche de la voie des premiers d'entre les croyants ou non. Et il dit que la Ummah est unie sur cette règle, sur ce principe là, que le mérite des gens est déterminé par la voix des premiers croyants parmi les Arabes, hein, les Sahaba, et que le mérite de celui qui est méritant est uniquement relié à leur suivi, hein, comment il les a suivis. Et c'est ça qui est exigé. Donc si par exemple quelqu'un dit « Ah, moi je ne veux pas suivre les Arabes » ou bien « Je ne veux pas suivre l'exemple des Arabes » alors que les premiers musulmans c'était tous des Arabes en grande partie, hein, et les Sahaba en grande majorité c'était des Arabes, et le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam était un Arabe, hein, donc si quelqu'un utilise ses excuses pour refuser de suivre la religion de l'islam, et ça c'est un signe que cette personne-là elle veut s'égarer, hein, elle veut suivre autre chose que la voie du prophète sallallahu alayhi wa sallam et des Sahaba. Et des fois les gens ils utilisent justement ces excuses nationalistes ou bien chauvinistes pour justifier leur éloignement de la sunna, nasallallahu alayhi wa sallam. Le cheikh Al-Fawzan maintenant il fait le commentaire sur ce passage qu'on vient de traduire. Il dit المقصود أن المتأخرين يقتدون بالمتقدمين من السلف الصالح والأئمة لأنهم على الهدى والحق والخير ولا يختلفون عنهم في عاداتهم وأخلاقهم ولا يختلفون عنهم في عاداتهم وأخلاقهم فإن فعلوا فهو نقص يلحقهم في دينهم وفي دنياهم ولهذا قال تعالى والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنه ومعنى اتبعوهم بإحسان يعني بإتقان ومن اتبعهم بإحسان يعني بإحسان تعلم اللغة العربية التي هي لغتهم والتي كانوا يتخاطبون ويكتبون ويؤلفون بها فاللغة العربية هي سيدة اللغات لأن الله أنزل بها كتابه وبعث بها رسوله محمدا صلى الله عليه وسلم واللغة العربية في طبيعتها من أحسن اللغات وأفصحها بيانا ووضوحا وتعبيرا. Donc ici le cheikh il explique que qu'est-ce qu'il veut dire cheikh l'islam Ibn Taymiyyah, c'est que ceux qui sont venus après les sahaba et qui ont pris comme exemple les salaf al-salih qui nous ont précédés, hein, ainsi que les imams de la religion, eh bien ils sont sur la guidance, sur la vérité et sur le bien, et c'est-à-dire qu'ils sont sur la vérité, sur la guidance et sur le bien tant qu'ils ne divergent pas d'avec eux, tant qu'ils ne divergent pas d'avec eux dans leur tradition et dans leur comportement. Et s'ils divergent avec eux, eh bien ils auront une défaillance soit dans leur religion ou dans leur dunya. Et c'est pour ça que Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le verset 100 dans Surat At-Tawbah, et les premiers parmi les muhajirines et les ansar, ceux qui ont cru en premier à l'islam parmi les muhajirines, hein, ceux qui ont émigré de la Mecque vers Médine, ou al-ansar qui sont les habitants de Médine qui ont accepté l'islam, وَالَّذِينَ اتَّبَعُوهُمْ بِإِحْسَانِ et ceux qui les ont suivis de la meilleure façon, de la façon la plus parfaite. Allah est satisfait d'eux et eux sont satisfaits de lui. Et le cheikh explique que la signification de les suivre, hein, بِإِحْسَانِ avec ihsan, il dit ça veut dire بِإِتْقَانِ, c'est-à-dire avec perfection, avec maîtrise. Et il dit, et ça comprend aussi le fait de les suivre, hein, de les suivre bi-ihsan, ça veut dire également d'apprendre la langue arabe, parce que c'est la langue, c'est leur langue, c'est-à-dire c'est la langue des salafs, et c'est la langue par laquelle ils s'adressaient les uns aux autres, par laquelle ils écrivaient et par laquelle, hein, ils composaient leurs ouvrages et ainsi de suite. Donc la langue arabe c'est la maître des langues, hein, c'est la maître des langues. Et il dit que Allah a révélé son livre dans cette langue-là. Et il a envoyé son messager, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, avec cette langue aussi. Et il dit que la langue arabe, par sa nature même, hein, est une des meilleures langues, des plus éloquentes, qui facilite donc la compréhension, l'explication, la clarté et l'expression. Il dit وقوله فحصله أن النهي عن التشبه بهم إنما كان لما يفضي إليه من فوت الفضائل يعني أن العلة في النهي عن التشبه بالأعاجم والكفار والمشركين والجاهليين أن من تشبه بهؤلاء تخلق بأخلاقهم بلا شك وهذا ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم من تشبه بقوم فهو منهم بمعنى أنه يكون مثلهم بسبب ما تشبه به وبحسب ما أخذ من أخلاقهم قد يكون أخذ أخذا كثيرا فصار منهم خالصا أو يكون منهم في بعض الشيء دون بعض وحاصل الأمر أن التشبه بغير المسلمين نقص في كل زمان ومكان. Donc le Cheikh il explique ici que quand Cheikh al-Islam ibn Taymiyyah rahimahullah, il dit que l'interdiction d'imiter les kuffars, les mushrikin, يعني, et les jahiliyin, les gens de la jahiliya, et ainsi de suite, et les non-arabes parmi les kuffars et les mushrikin, eh bien, la raison de l'interdiction de ça, de leur ressembler, c'est à cause de ce que ça amène, hein, du fait de, que ça nous amène à perdre les mérites, hein, des salafs, et en même temps, ça nous amène aussi à adopter certains de leurs défauts. Et le Cheikh Al-Fawzan, il dit que celui qui imite ces gens-là, il risque d'adopter leur comportement et leur personnalité, leur tempérament. Et il n'y a pas de doute là-dessus. Hein, c'est comme ce que je disais tout à l'heure par rapport à la langue. Lorsque, par exemple, quelqu'un apprend la langue d'un peuple, en général, il développe en même temps aussi leur personnalité, leur tempérament et leur comportement. Il va l'adopter aussi, en général, parce que la langue vient avec une certaine façon de penser et une certaine mentalité. Et puis tu le remarques même parmi, par exemple, les Arabes et les non-Arabes qui ont appris la langue des langues étrangères, que ce soit le français, que ce soit l'anglais ou d'autres, eh bien tu vas comparer leur comportement avec le comportement des salafs et tu vois tout de suite que il y a une grande différence dans leur façon de penser. Et même que j'ai observé dans les pays arabes, les pays arabes par rapport à leur position vis-à-vis des pays occidentaux, et tu vois que plus les pays arabes ou musulmans sont à proximité des pays occidentaux, plus tu remarques qu'il y a eu une influence, hein, au niveau de la langue. Et au niveau aussi des mœurs et des comportements, et que plus tu t'éloignes des pays occidentaux et plus tu constates justement que cette influence-là elle est moindre et cet effet elle est moins grand. Et aussi même que j'ai constaté une différence même dans la mentalité chez les pays arabes, les pays musulmans qui ont été colonisés par certains parmi les peuples européens, et des différences par rapport à d'autres peuples européens. Et c'est justement comme, par exemple, si tu regardes ceux qui ont été colonisés par des Français et tu regardes ceux qui ont été colonisés par des Anglais, et des fois c'est le même peuple et tu vois tout de suite la différence même dans leur comportement et dans leur tempérament et dans leur personnalité, dans leur façon de penser et beaucoup d'autres choses. Et j'ai vu ça dans les pays africains, de l'Afrique de l'Ouest, dans des pays asiatiques, tu le vois même chez des koufars et des mouchriquines, hein, tu vois des asiatiques colonisés par des Français et d'autres colonisés par des Anglais, tu vois la différence. Chez des Africains, par exemple, même des fois dans le même pays comme la Gambie puis le Sénégal, c'est le même peuple, hein, dans les deux pays, mais tu vois que ceux qui ont été colonisés par les Anglais, ils ont une personnalité différente que ceux qui ont été colonisés par les Français. Et aussi, tu le vois dans le nord de l'Afrique, hein, et tu le vois dans d'autres pays arabes, par exemple l'Égypte, la différence entre l'Égypte et la différence avec les pays du Moyen-Orient qui ont été colonisés par les Anglais et ceux qui ont été colonisés par les Français. Et tu vois, le tempérament est différent. Parce que les Français, eux, ils ne se limitaient pas seulement à vouloir faire une colonisation économique, mais ils voulaient également assimiler les peuples qu'ils colonisaient, puis essayer de faire une colonisation culturelle en même temps. Donc ils voulaient pas seulement l'argent, mais l'âme aussi des peuples qu'ils ont colonisés. Et tu vois, pour ça, à cause de ça, tu vois un grand effet. Et comme j'ai dit déjà, tu vois qu'en Algérie, par exemple, quand les Français sont rentrés, ils sont restés 132 ans là-bas, et ils ont, à un certain moment donné, interdit la langue arabe. Tu vois, Yanni, l'effet que ça a eu sur la mentalité des gens. Et jusqu'à maintenant, Yanni, la mentalité française, elle continue à affecter justement beaucoup des peuples musulmans dans le monde. Donc ça c'est un exemple de ça. Et le cheikh, il donne comme exemple de cette parole-là la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui dit: quiconque imite un peuple est un des leurs. Et ça c'est un hadith authentique. Et le cheikh, il dit que la signification de ça, ça veut dire que il va être comme eux selon la proportion de son imitation, hein, ou selon le degré de son imitation de ce peuple-là, et selon ce qu'il prend de leur comportement aussi. Donc s'il prend beaucoup de leur comportement et de leur il les imite beaucoup, alors il risque d'être complètement d'eux, hein, d'un des leurs de façon complète. Et s'il prend uniquement certaines choses il les imite uniquement dans certaines choses, eh bien là, dans ce cas-là, il va avoir une partie de leur comportement, et ainsi de suite. Donc, il dit que si on veut résumer tout ça, on peut dire que l'imitation des non-musulmans, c'est toujours un défaut et une défaillance à toute époque et en tout endroit, peu importe. Donc il y a beaucoup de musulmans, ils aiment pas entendre ça, mais c'est la réalité. C'est-à-dire que c'est pas quelque chose qu'on peut nier. C'est pas quelque chose qu'on peut nier. Et peut-être même pour certains, au contraire, même c'est l'idéal pour eux, dans le sens qu'ils prennent de l'imitation des koufars comme un objectif, un but à atteindre. Et pour eux, les musulmans ou les peuples, différents peuples, arabes ou non arabes, parmi les peuples musulmans, ne pourront pas évoluer ou arriver à un niveau, selon eux, de civilisation, excepté en imitant les koufars. Hein? Et on ne parle pas ici de vouloir, par exemple, obtenir des connaissances sur le plan scientifique ou d'évoluer sur le plan de la technologie et des connaissances des aspects de la dunya, mais eux, ils parlent également, en plus, de prendre tout ce qui a rapport avec le comportement, ce qui a rapport avec les mœurs, ce qui a rapport avec la croyance, ce qui a rapport avec les idées, et c'est ça qui est, en fait, la porte vers l'égarement total. Ils disent, si vous voulez prendre de l'Occident, vous devez prendre tout. Pas seulement ce qui est bon, mais en même temps aussi tout ce qui est mauvais, parce que c'est un tout. Tu dois le prendre en entier, sinon tu ne peux pas apprendre rien du tout. Et cette attitude-là, c'est extrêmement dangereux. Hein. Le cheikh dit: wa qawluhu wa lihada lamma alima al-mu'minuna min abna'i Faris wa ghayrihim hadha al-amr. Ya'ni anna abna'i Faris lamma alimu 'azamat al-islam wa fadlahu صاروا يتسابقون في مشابهة السابقين في أخلاقهم وسيرهم أو سيرهم. قال سبحانه: والذين اتبعوهم بإحسان، يعني بإتقان. ومن الإحسان an ya'khudha al-mar'u lughatahum wa akhlaqahum wa laqad kana khuluquhum al-Qur'an wa qudwatuhum sahib al-khuluq al-'azim ar-rasul sallallahu alayhi wa sallam لأنهم أتباعه وتلاميذه والرواة عنه وهؤلاء الذين اتبعوهم بإحسان وأتقنوا طريقتهم رضي الله عنهم ورضوا عنه سواء كانوا من العرب أو من العجم والشاهد حاصل بما حصل من أئمة العلم وأئمة الجهاد من العجم أنفسهم حيث أخذوا هذا الدين أخذا صحيحا وتعلموا هذه اللغة العربية وتخاطبوا بها حينها فهموا بها كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وحازوا على هذا السبق وهذه الفضيلة. Donc le cheikh il dit que c'est pour ça que les Perses, hein, les fils de Perse, lorsqu'ils ont compris la grandeur de l'islam et le mérite de l'islam, eh bien, ils ont tout fait justement pour être les premiers à imiter ceux qui nous ont précédés dans la foi et dans la religion, et essayer de copier, d'imiter leur comportement et leur façon d'être et leur conduite. Et c'est pour ça Allah subhanahu wa ta'ala a dit وَالَّذِينَ اتَّبَعُوهُمْ بِإِحْسَانِ, ceux qui les ont suivis avec ihsan, yani avec itqan, avec perfectionnement, avec excellence. Et il dit le cheikh, par exemple, parmi ce qui fait partie de l'ihsan, c'est d'essayer de prendre leur langage, leur comportement. Parce que leur comportement, c'était le Coran. Et leur exemple et leur modèle, eh bien, c'est celui qui avait le meilleur et le plus grand des comportements, c'est-à-dire le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam. Et eux, ils sont ses fidèles, ils sont ses élèves, ils sont ses rapporteurs, ceux qui ont rapporté ses propos et ses paroles. Et donc, ce sont eux qui ont suivi les premiers croyants avec excellence, avec perfectionnement, et qui ont été les maîtres dans le suivi de leur voie et dans le fait de suivre leur exemple et leur pas. Et c'est pour ça que Allah est satisfait d'eux et eux sont satisfaits de lui, peu importe qu'ils soient parmi les Arabes ou parmi les non-Arabes. Et il dit, et c'est ça qu'on essaie d'expliquer ici, de ce que les grands imams et les imams dans la science et les imams dans le djihad, parmi les non-arabes eux-mêmes, eh bien c'est tout ce qu'ils ont eu comme mérite et comme grandeur et comme importance, eh bien c'était par rapport à justement le degré avec lequel ils ont imité et suivi les salafs, les premiers d'entre les croyants. Et lorsqu'ils ont pris cette religion d'une manière authentique et d'une manière correcte, et qu'ils ont appris la langue arabe, et qu'ils ont su s'exprimer dans cette langue-là et s'adresser dans cette langue-là correctement, eh bien c'est à ce moment-là qu'ils ont été capables de comprendre le livre d'Allah et de comprendre la sunna du messager sallallahu alayhi wa sallam. Et c'est comme ça qu'ils ont obtenu le devancement des autres et qu'ils ont dépassé les autres dans cette excellence-là et dans ce mérite-là. Et donc c'est pour dire que ils sont devenus des imams dans la religion parce qu'ils ont suivi les salafs bi-ihsan, de la meilleure manière. Et le cheikh il dit ensuite, يعني فليس معنى والذين اتبعوه بإحسان مجرد الانتساب للسابقين الأولين فحسب أو أن يقول أنا سلفي أنا أثري, لا بد أن يحسن اتباعهم والاقتداء بهم, ولا يحسن هذا إلا إذا اقتدى بما هم عليه ونهج نهجهم أما إذا كان جاهلا بما هم عليه من السيرة والسريرة فلن يستطيع أن يتبعهم بإحسان. Donc le cheikh il dit la signification de les suivre avec ihsan, ça ne signifie pas qu'il va uniquement yani. Naam. Donc le cheikh il dit le fait de suivre les salafs et de les suivre avec ihsan, avec maîtrise, avec perfectionnement, eh bien il dit ça là, ça, c'est pas uniquement de prétendre appartenir aux salafs, parmi les premiers qui ont cru en l'islam seulement. Donc c'est pas suffisant juste de dire je suis salafi ou bien je suis athari, parce qu'il y a des gens parfois ils pensent que c'est suffisant de dire moi je suis salafi, dans le sens qu'il dit moi je suis sur l'exemple des sahaba et les premiers croyants et les premiers musulmans et je m'affilie à eux, et je déclare mon attachement et mon affiliation à leur voix. Donc il y a certaines personnes qui pensent que c'est suffisant juste de dire ça, comme si moi je suis salafi, moi je suis athari. Et le cheikh il dit non, il faut les suivre et les prendre comme exemple de façon réelle et concrète, et les suivre de la meilleure manière. Donc il dit la seule manière d'arriver à ça, c'est-à-dire d'arriver à les suivre de la meilleure façon et de les prendre comme exemple et comme modèle, eh bien c'est bien entendu de connaître leur voix, de l'étudier et de l'apprendre. Donc il dit la yuhsinu hadha illa idha iqtada bihim, illa idha iqtada bima hum alayhi. Tu peux uniquement les suivre de la meilleure façon si tu yani les prends comme exemple et comme modèle et que tu as emprunté leur voie. Mais si tu es ignorant de leur voie, si tu es ignorant de leur méthodologie, eh bien dans ce cas-là, comment tu vas être capable de les suivre? Et dans ce cas-là, comment tu peux prétendre être salafi? Donc tu ne seras pas capable de les suivre avec ihsan, excepté si tu as appris leur voie et leur méthodologie, et qu'est-ce que cette méthodologie-là implique et qu'est-ce qu'elle signifie. Donc c'est pas uniquement une affiliation ou une appartenance en parole, il faut que ce soit quelque chose de réel et de concret. C'est la même chose avec l'islam, c'est la même chose avec l'islam. Quelqu'un il peut dire je suis musulman, et il peut prétendre jour et nuit qu'il est musulman et qu'il est sur l'islam, mais si tu lui demandes qu'est-ce que c'est l'islam puis il dit je sais pas, alors sa prétention ou son appartenance à l'islam n'a pas vraiment une grande signification, puisque la personne elle ignore même qu'est-ce que c'est l'islam. Donc quand on dit qu'on est salafi, eh bien il faut connaître justement qu'est-ce que c'est la méthodologie des salafs, qu'est-ce que c'est la méthodologie des sahaba, qu'est-ce que c'était la méthodologie des tabi'in et de ceux qui les ont suivis. Pas seulement juste de dire qu'on est salafi, mais de l'être réellement avec premièrement la connaissance et après ça le suivi de leur méthodologie. Et comme j'ai expliqué déjà plusieurs fois, ça n'implique pas que quelqu'un doit être parfait ou doit être comme eux dans leur niveau de foi ou dans leur piété, parce que ça personne ne pourra jamais arriver à égalité avec eux dans leur piété et dans leur foi. Mais l'important c'est de comprendre leur méthodologie, comment ils comprenaient les textes du Coran et de la Sunna et comment ils les appliquaient, et c'était quoi leur méthodologie dans ça, d'accord. Donc ceux qui essaient de faire croire aux gens qu'on ne peut pas se dire salafi parce qu'on n'est pas aussi pieux que les salafs, Ça c'est de l'égarement et de l'ignorance en réalité. Et c'est juste en fait une méthode et un moyen d'éloigner les gens de la voie des salafs. C'est de la malhonnêteté, nasallallahu alayhi wa sallam. Après le cheikh il dit wa qawluhu wa lihadha كانوا يفضلون من الفرس أي أن معيار التفضيل إنما هو بمقدار متابعة السابقين ولذلك إنما نال عجم أصبهان وغيرهم من العجم الفضل باقتدائهم بالسلف وأخذهم لهذا الدين بلغته الأصلية حتى صار منهم الأئمة السابقون في العلم والعمل والعبادة والزهد والخير والخير الكثير. Donc le cheikh il explique ici que c'est pour ça que il préférait des Perses les Perses de Isfahan parce que eux ils étaient plus proches et plus attachés à l'imitation et au suivi des salafs. Donc le cheikh il résume ça en disant que le critère d'excellence et de préférence par rapport aux différents peuples et aux différentes personnes, que ce soit les Perses ou autres, c'était uniquement proportionnel à leur suivi des premiers parmi les croyants. Et c'est pour cette raison-là que les non-arabes de la ville de Isfahan ont atteint ce qu'ils ont atteint parmi les non-arabes comme mérite à cause de leur suivi et leur exemple qu'ils ont suivi des salafs, dans le fait qu'ils ont pris des salafs la religion dans sa langue originelle. C'est pas comme si ils se sont uniquement limités à traduire le langage et les hadiths et les versets du Coran, parce que ça ne permet pas d'avoir une compréhension profonde et correcte et exacte de la religion. Il faut absolument, si on veut vraiment, vraiment comprendre la religion telle qu'elle est, telle qu'elle a été révélée au salaf, il faut l'apprendre dans sa langue originelle. Ça fait en sorte que on peut la comprendre d'une manière plus directe et plus claire et plus pure. Tandis que si on se base sur des traductions, eh bien, ça implique et ça ramène toutes sortes de malentendus, et ça ramène aussi beaucoup d'erreurs, et ça ouvre la porte à beaucoup d'égarements dans l'interprétation aussi. Donc c'est très très important, et c'est pour ça que les tulab al-ilm et les ulama, ils doivent faire beaucoup d'efforts pour essayer d'enseigner l'arabe aux convertis et aux non-arabes parmi les musulmans, pour les aider justement à se rapprocher de la compréhension de la religion correcte, de la religion de façon correcte. Et ça c'est une chose qui est extrêmement importante. Ensuite de ça, le cheikh il dit wa qawlu sa'id ibn al-musayyib law anni lam akun min quraish la ahbabtu an akuna min faris. هذا قول إمام من أئمة التابعين العرب القرشيين وقال هذا الكلام لأن أصبهان نبغ فيها نوابغ من أهل العلم والعبادة والزهد بسبب اتباعهم للسابقين الأولين بإحسان فبما أن قريشا أفضل العرب فإن أهل أصبهان أفضل العجم بسبب ماذا؟ بسبب اتباعهم السابقين بإحسان. Donc le cheikh il mentionne donc la parole de l'imam Saïd ibn al-Musayyib, un des imams parmi les tabi'in qui faisait partie de la tribu de Quraysh. Il dit, si je savais que si je n'étais pas de Quraysh, j'aurais aimé faire partie des Perses de Isfahan. Et le cheikh il dit que cet imam parmi les imams des tabi'in, Saïd ibn al-Musayyib, il a dit cette parole-là parce que les Perses de Isfahan, qui étaient musulmans convertis à l'islam, on a vu apparaître parmi eux des grands hommes de science et des grands adorateurs dans la religion, Et la raison de ça, c'est parce qu'ils ont suivi hein, de très près l'exemple des premiers parmi les croyants, parmi les sabiqin, al-awwalin. Et ils les ont suivis avec excellence. Et il dit donc, de la même manière que Quraysh était la meilleure parmi les tribus des Arabes, eh bien, Isfahan était les meilleurs parmi les non-Arabes. Et à cause de quoi? Eh bien, à cause de leur suivi des sabiqin, c'est-à-dire des premiers parmi les croyants, et qu'ils les ont suivis de la manière la plus complète et la plus parfaite. Après, le cheikh il dit wa qawluhu sallallahu alayhi wa sallam law kana ad-din mu'allaqan bis-thuriyya latanawalahu nas min faris, yani munasabatu hadha al-hadith lamma nazala qawluhu ta'ala هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين وآخرين منهم لما يلحقوا بهم يعني سألوا النبي صلى الله عليه وسلم من هم هؤلاء الآخرين الذين سيلحقون بهم وكان عنده سلمان الفارسي رضي الله عنه فأشار إليه وقال لو كان العلم بالثريا لناله رجال من أهل فارس فدل هذا على أنهم إنما خرجوا من الفارسية ومن العجمة ونالوا هذا الفضل بسبب اتباعهم لهذا القرآن واتباعهم لهذا الرسول صلى الله عليه وسلم. Donc ici le cheikh il mentionne le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui dit si cette religion était accrochée à une étoile, eh bien des fils de parmi les Perses ils l'auraient atteint, hein, ils seraient partis pour essayer de l'atteindre jusque dans les étoiles. Donc l'occasion de ce hadith c'est lors de la révélation du verset 2 et 3 dans sourate al-Jumu'ah dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala dit ce qui signifie « C'est lui qui a suscité parmi les non-arabes un messager de par eux-mêmes qui leur récite ses versets, les purifie, leur enseigne le livre et la sagesse, même si auparavant ils étaient dans un égarement évident, et d'autres parmi eux qui ne les ont pas encore rejoints. » Et le cheikh, il explique que les sahabas ont posé la question au prophète sallallahu alayhi wa sallam « Qui sont ceux-là qui ne les ont pas encore rejoints ?» Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui avait à ses côtés Salman al-Farisi, radiyallahu anhu, il a pointé vers Salman al-Farisi, radiyallahu anhu, et il a dit « Si cette religion était dans les étoiles, eh bien, yani, des hommes parmi les Perses auraient hein, essayer de l'atteindre, hein, d'atteindre les étoiles pour avoir cette religion. Et c'est donc, le cheikh dit ça, c'est une indication que ceux qui ne les avaient pas encore rejoints, c'était ces gens-là. Hein. Ils sont venus des Perses parmi les non-arabes et ils ont obtenu cette grâce et ce bienfait hein, en suivant le Coran, parce qu'ils ont suivi justement le Coran et parce qu'ils ont suivi ce messager sallallahu alayhi wa sallam. Donc à la base c'est ça, beaucoup des aujourd'hui on voit que l'Iran par exemple, la ville de Isfahan c'est en Iran, aujourd'hui on voit que là-bas il y a beaucoup de Shia, hein, et c'est là-bas qu'on retrouve le plus de Rafida, mais à la base Isfahan elle a été conquérie par les Sahaba et il y avait dedans plusieurs disons il y avait eu plusieurs parmi les grands imams de la Sunna qui ont proliféré là-bas et qui ont enseigné, qui ont propagé la Sunna, et beaucoup des ulama, tu vois les ulama de hadith et tout, on dit, quand on dit leur nom on dit al-Isfahani parce que dans cette ville-là il y avait beaucoup des imams de la Sunna. C'est uniquement après que les Shia ont réussi à prendre ces régions-là et qu'ils se sont propagés là-bas. Mais sinon, à la base, c'est des endroits où il y avait la sunna. Et les Perses, yani à la base, lorsqu'ils sont sur la sunna, c'est parmi les meilleurs, hein, parmi les musulmans. C'est parmi les meilleurs parmi les musulmans, comme ils l'ont montré dans le passé. Ensuite, le cheikh, il dit... donc, وقوله وكان سلمان الفارسي من أهل أصبهان يعني أن سلمان وعكرمة نالوا السبق في الأمة بسبب اتباعهم للسابقين الأولين. وإذا قرأت تراجم المحدثين والعلماء وجدت الكثرة الكاثرة من الأعاجم. لماذا؟ لأنهم أخذوا هذا الدين واتبعوا السابقين الأولين بإحسان فنالوا الشرف والمنزلة. Donc il dit que Salman al-Farisi et comment il s'appelle, Ikrima, ils ont atteint l'excellence et la précédence dans cette umma à cause de leur suivi, hein, à cause de leur suivi yani des premiers musulmans. Et lorsque tu lis les biographies des savants de hadith et des ulama, eh bien tu constates que une grande majorité d'entre eux, une grande partie d'entre eux sont des non-arabes. Et il dit pourquoi? Il dit parce qu'ils ont pris cette religion des premiers parmi les croyants. Et ils ont donc obtenu cette noblesse et ce degré élevé dans la religion à cause de ça. Le cheikh il dit قوله فإن آثار الإسلام كانت بأصبهان أظهر أي لما تمسك أهل أصبهان بهذا الدين تحولت بلادهم من بلاد أعجمية إلى بلاد تشبه البلاد العربية أو تسبقها في الفضل أو تسبقها في الفضل. Le cheikh il dit, donc il dit l'effet de l'islam était très présent à Isfahan. Il dit, et ça c'est à cause de l'attachement des habitants d'Isfahan à cette religion qui a fait qu'elle est devenue un pays parmi les pays qui étaient à la base non arabes et qui ressemble, qui est devenu et qui a commencé à ressembler même aux pays arabes et même parfois à devancer les pays arabes dans l'excellence et le mérite. Il dit wa qawluhu wa kana a'immatu sunna 'ilman wa fiqhan wal 'arifun ila akhirih yani hatta la yadhun ahad anna hadha fihi tanqisan li ghayr al 'arab dhakara fadla man hadahu Allah wa man akhadha al 'ilm wal 'amal as salih min al 'ajam. وأن كونهم غير عرب لا يعني تأخرهم عن الفضيلة وإنما يؤخرهم عن الفضيلة تأخرهم عن العمل الصالح. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم من بطأ به عمله لم يسرع به نسبه. وقوله وكذلك كل مكان أو شخص من أهل فارس هذا توضيح وتبيين لمعنى قوله تعالى والذين اتبعوهم بإحسان فمن اتبع السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار لأنهم هم القدوة في العلم والعمل فإنه ينال رضا الله سبحانه وتعالى ولكن الشرط في العمل أن يكون بإحسان وإتقان وعلم ومعرفة وتحقيق لا مجرد انتساب أو ادعاء انتساب وادعاء. Le cheikh il dit que il dit par exemple que il y a eu parmi les Perses par exemple et parmi les non-arabes des grands imams de la sunna dans la science, dans le fiqh et dans d'autres domaines de la religion. Et il dit le cheikh, ça c'est pour que les gens ne pensent pas que on veut dénigrer ou rabaisser les non-arabes. Il dit parce que le mérite, il dit Allah, il dit le cheikh, il a mentionné donc le mérite, hein, le mérite de ceux que Allah a guidés et il dit, celui parmi les non-arabes qui a pris la science et les bonnes œuvres, eh bien, le fait qu'il ne soit pas arabe, ça ne veut pas dire qu'il soit en arrière ou en retard dans l'excellence et dans le mérite. Il dit, la seule chose qui peut les retarder ou les faire reculer par rapport à l'excellence, c'est s'ils sont en retard ou s'ils sont en arrière dans les bonnes œuvres. Et c'est pour ça que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit dans le hadith qu'on a lu plusieurs fois déjà, hein, man batta bihi amaluhu lam yusra bihi nasabuhu. C'est-à-dire celui dont les œuvres ont été lentes, eh bien, le fait qu'il ait un lien de parenté avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ou bien une noblesse quelconque, ça ne va pas l'accélérer ou ça ne va pas le faire aller plus vite. Donc, qu'est-ce qui fait avancer quelqu'un? C'est pas son origine, hein, c'est pas sa noblesse, c'est pas ses liens de parenté, mais c'est ses bonnes œuvres à lui, hein. Et il dit ensuite, wa qawluhu wa kadhalika, hein, kul makan aw shakhs min ahli Faris. Il dit ça, c'est une explication aussi pour clarifier que, yani, Allah subhanahu wa ta'ala, quand il dit, et ceux qui les ont suivis de la meilleure manière, hein, c'est-à-dire ceux qui ont suivi les premiers parmi les croyants, parmi les muhajirines et les ansars, hein, parce que ce sont eux notre exemple et notre modèle dans la science et dans la pratique, ils ont uniquement atteint et obtenu l'agrément d'Allah, hein, parce qu'ils ont suivi, hein, les salafs, hein, les premiers croyants. C'est pas seulement, hein, comme on a dit, le fait de se prétendre salafi, ou le fait de prétendre suivre les premiers croyants et les sahaba, non. Il faut réellement qu'il y ait une connaissance et un suivi, et une excellence et un perfectionnement dans le suivi des salafs, avec science, avec connaissance et avec, vérification et exactitude, yani. Donc, ça c'est pour ce passage-là. Je pense que pour aujourd'hui, on va s'arrêter à ça, et on continuera la suite au prochain cours, inshallah. Subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilayk wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammad وعلى آله وصحبه أجمعين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته